quand on n'est plus qu'un souvenir qui traîne au fond d'un cendrier, qu'une croisière au calendrier que l'on n'a jamais su finir. Quand on a sa progéniture qui vous ressemble à s'y méprendre, que l'on oublie de se comprendre et qu'on s'est rangé des voitures. Quand il ne reste que la chasse, faut-il tuer les oiseaux qui passent? Quand une femme en bigoudi vous allume d'un café crème et qu'au tympan d'un HLM on écoute sonner la vie. Quand le cœur a pris les patins pour faire sur le parquet ciré, de la cuisine à la télé, la route sans gêner les voisins. Quand on se penche sur la strasse, faut-il tuer les oiseaux qui passent? Quand l'estomac pousse l'écran d'une ceinture platonique et qu'on oublie l'amour physique pour parler de vrais sentiments. Quand sûr de ne pas déconner, on parle en phrases raisonnables et qu'on aligne sur la table des idées qu'on a mis. Quand on n'est plus qu'une carcasse, faut-il tuer les oiseaux qui passent? Quand le muscle s'est mis en berne et comme une bâche patriotique pendouille un souvenir léthargique sous le costard ou la lanterne. Quand on n'est pas les sans odeur, la calvitie couverte par un vrai scalpant poil de lézard, quand on est chauve de l'intérieur. Quand on a perdu toute audace, faut-il tuer les oiseaux qui passent?